إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Nous continuons, mes chers frères et sœurs, cette série de cours intitulée « Pour un ramadan réussi ». On avait traité le sujet de comment accueillir le mois béni de ramadan et comment en déterminer le début et la fin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Ya ayyuha alladhina amanu » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, الصيام, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans ce verset 183 de sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le jeûne est une prescription, un ordre, une obligation pour cette communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane, mais que cela a été le cas également pour les communautés qui nous ont précédés. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Certains mufassirines ont expliqué ce verset en disant que l'adoration du jeûne est une prescription religieuse pour les prophètes et leur peuple, et ceci depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. La sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ce jeûne obligatoire a été prescrit également à ceux qui nous ont précédés. Les savants ont dit que la sagesse de cela repose dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela pour que le jeûne soit plus facilement accepté. En effet, les tâches, lorsqu'elles sont difficiles, elles deviennent aisées lorsque elles sont généralisées. Le jeûne, as-siyam, est donc une obligation religieuse à l'égard de toutes les communautés, même si il y a des différences qui existent sur la durée ou sur la manière de jeûner. Dans le verset suivant de sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ainsi, au début de l'islam, les musulmans avaient le choix entre jeûner ou donner une expiation. Puis, ce choix de jeûner ou d'expier a été abrogé par le verset suivant de sourate Al-Baqarah, le verset 185, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ » Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. La sagesse de ce changement réside dans la progression graduelle et la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de la communauté musulmane. Les musulmans de l'époque n'avaient pas pour habitude de jeûner, et cette prescription étant quelque peu contraignante, le choix leur fut offert à l'époque de jeûner ou bien d'expier. Puis, une fois que les convictions des musulmans se sont renforcées une fois que leur esprit furent apaisés et que cette adoration du jeûne ait été assimilée, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna alors de jeûner, et ce jeûne pour lequel le choix avait été donné devient obligatoire. Et il y a bien sûr des exceptions à cela. Cette abrogation concerne les personnes capables de jeûner. Les personnes capables de jeûner, le jeûne du mois de Ramadan est pour eux une obligation, à l'exclusion de celles dont l'âge avancé ou les personnes atteintes d'une maladie incurable ne leur permettant pas de jeûner. Ces personnes devront nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et seront exemptées de tout rattrapage. Quant aux personnes ne jeûnant pas, pour cause de voyage par exemple, ou de maladies curables, elles devront rattraper les jours non jeûnés à plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Le jeûne du mois de Ramadan fut prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Le prophète alayhi salatu wassalam a au total jeûné 9 Ramadan, alayhi salatu wassalam. Ce jeûne du mois de Ramadan est devenu une obligation irrévocable et un pilier sur lequel repose l'islam. Ainsi, celui qui remettrait en cause le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan sortirait de l'islam, wal'iyadu billah. Car c'est un sujet qui fait partie de ce que les savants appellent al-ma'loumu min ad-din bid-darura. C'est une obligation connue de tous, que personne ne saurait ignorer et encore moins renier. Quant à celui qui ne jeûnerait pas le mois de Ramadan, tout en admettant son obligation, aura commis un immense péché. Il devra se repentir, il devra rattraper les jours non jeûnés, et dans certains cas, il sera redevable de l'expiation majeure, à savoir de jeûner 2 mois consécutifs, ou bien de nourrir 60 pauvres s'il ne le peut pas. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, alors de nourrir 60 pauvres, ceci notamment lorsque cette personne a eu des rapports intimes avec son épouse. Dans le verset 184 de Sourate Al-Baqarah, le verset dans lequel Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne, il a terminé ce verset en disant « Subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqoon » Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ici une allusion au fait que l'objectif final et le but ultime du jeûne, c'est d'atteindre la piété. Cette piété qui est cette faculté, lorsqu'elle est présente chez le musulman, elle déteint sur toute sa vie. Cette faculté l'incite à faire le bien et l'obéissance, elle le détourne du mal et de la désobéissance, et il fait tout cela à la fois en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également par crainte de son châtiment. Le musulman qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman qui est pieux, il lui suffit d'entendre l'opportunité de faire un bien pour qu'il y accourt. Et à l'inverse, le simple fait de suspecter un mal ou même une ambiguïté le fait fuir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a défini at-taqwa, la piété, en disant radiyallahu anhu at-taqwa an yuta' Allah fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. La piété consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et se garder de lui désobéir. C'est l'évoquer et ne pas l'oublier. C'est lui être reconnaissant et ne pas être ingrat. Quant à Talq ibn Habib رحمه الله, il a défini at-taqwa, la piété, en disant que c'est agir dans l'obéissance d'Allah avec une lumière venant de lui, à savoir la science, espérant sa récompense. Et c'est délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala par crainte d'Allah avec une lumière venant de lui. Et nul doute que le jeûne, l'adoration du jeûne et le mois de Ramadan sont deux moyens extrêmement puissants qui nous permettent, à nous musulmans et musulmanes, d'atteindre ce noble but, at-taqwa. At-taqwa, qui est cette parole, dans son sens large du terme, si elle était mise en pratique individuellement, puis étendue à l'échelle de la société, les bienfaits engendrés seraient innombrables. Pour en citer certains, at-taqwa, la piété, c'est un moyen qui facilite les situations, qu'elles soient personnelles ou générales. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا » Celui qui craint Allah, il lui facilite toute chose. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-layl « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » Celui qui s'acquitte, c'est-à-dire de ce qui lui est imposé, craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui accorderons la voie la plus aisée. At-taqwa, la piété, ouvre les bénédictions venant du ciel et de la terre. Elle permet d'obtenir sa subsistance. Elle permet d'acquérir des biens en abondance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-A'raf وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cités, les cités ici ce sont les peuples vers qui des prophètes ont été envoyés, si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous leur aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Celui qui craint Allah, Allah lui accordera une situation favorable face à toute difficulté, et il pourvoit à sa subsistance par une voie qu'il n'avait jamais espéré. Allahu Akbar. At-taqwa, la piété, c'est une cause de fermeté dans cette vie d'ici-bas, une cause de félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana » Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de distinguer, c'est-à-dire de distinguer le bien du mal. At-taqwa, la piété, c'est ce moyen puissant qui protège le croyant du stratagème des injustes, de ceux qui complotent afin de lui porter atteinte. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette promesse en disant Azza wa Jal, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Si vous êtes patient et craignez Allah, leur ruse ne vous nuira en rien. At-taqwa, la piété, permet d'obtenir l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle alliance est meilleure que l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala? ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ils sont ceux qui croient en lui et le craignent. At-taqwa est un moyen permettant d'acquérir la science et d'en profiter pleinement الله سبحانه وتعالى دي واتقوا الله ويعلمكم الله. كريني الله اي الله vous enseignera. التقوى la piété c'est la voie qui amène à la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et croient en mes signes. Voici certains bienfaits de la piété à taqwa. Ajoutez à cela ce que bénéficiera le pieux le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Il bénéficiera de la félicité, de la réussite. Il sera préservé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses œuvres seront acceptées de son Seigneur Azza wa Jal. Ses péchés seront pardonnés. Ses degrés seront élevés. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, craignent Allah et le redoutent, sont ceux qui récoltent le succès, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. أَسَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ. Et Allah عز وجل dit ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. En parlant de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous, Allah Azza wa Jal dit « Ensuite, nous sauverons ceux qui nous auront craints, الَّذِينَ اتَّقَوْا, et qui restera, et nous y abandonnerons les transgresseurs agenouillés. » Les pieux sont ceux qui croient en l'invisible. Ce sont ceux qui accomplissent leurs devoirs, tels que la prière, le jeûne, la zakat obligatoire. Ils accomplissent aussi les aumônes recommandées. Ce sont ceux qui sont dotés des comportements les plus éminents. Ils supportent et patientent face aux péchés des autres à leur égard. Ils se repentent sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande le pardon. Ils reviennent systématiquement vers leur Seigneur lorsque, par insouciance ou par faiblesse, ils dévient. Ce sont ceux qui répondent toujours aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, mes frères et sœurs, que les années passent et que le temps de vie qui nous est accordé ne cesse de diminuer. Et l'être humain et sans esprit par des occupations qui se succèdent les unes aux autres. Et il arrive parfois dans cette vie qu'adviennent des événements qui font réfléchir cette personne. Elle se remet en question, revient vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, mais peu de temps après, voilà qu'elle fléchit à nouveau. Voilà qu'elle s'affaiblit puis dévie du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que la raison principale de ce déclin, c'est le délaissement de la piété, le délaissement de at-taqwa, ce terme qui est petit mais grand, petit par le nombre de lettres qui le constituent, mais grand par les innombrables sens qu'il renferme. Lorsque ta personne t'incite au mal, lorsqu'elle te suggère d'outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle t'incite à la désobéissance, rappelle-toi de ce mot at-taqwa, la piété. Aie ce terme à l'esprit, que tu sois chez toi ou que tu sois au sein de ta famille, auprès de tes enfants, que tu sois dans ton bureau, que tu sois avec tes collègues ou avec tes employés, que tu sois dans la rue, que tu sois avec tes frères et sœurs en islam, que tu sois en privé ou en public, Que cela soit au moment de ton adoration, dans tous les aspects de ta vie, tu dois avoir à l'esprit ce terme « at-taqwa » et tout ce qu'il implique. Et c'est le conseil du prophète alayhi salatu wassalam « Alladhi utiya jawami'u al-kalim alayhi salatu wassalam » Allah Azza wa Jal lui a donné ce don de dire des paroles courtes mais qui sont extrêmement longues en sens. Il nous dit alayhi salatu wassalam « Ittaqillaha haythu ma kunt » Fais preuve de piété à l'égard d'Allah Azza wa Jal où que tu sois. Nous sommes, pendant ce mois béni de Ramadan, un mois dans lequel nous nous efforçons de nous rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Saisissons cette occasion de prendre l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de concrétiser cette taqwa. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous y enjoint. Subhanahu. Il dit Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulman. Et sachez que le croyant se doit de s'embellir par le vêtement de la piété, car le vêtement de la piété et le meilleur des vêtements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلِبَاسُ التَّقَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Et je terminerai par ce conseil qu'a adressé un de nos pieux prédécesseurs à un homme en lui disant « Je te recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala » qui est avec toi dans tes moments de solitude, qui te surveille quand tu es en public, et Allah à ton esprit, dans tes nuits comme dans tes journées. Redoute Allah, car il est proche de toi et est capable de toutes choses. Sache que tu ne peux échapper à son pouvoir, ni te sauver de son royaume. Sallallahu alayhi wa sallam, Azza wa Jal, an yufaqihana fi dinina, وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la science bénéfique qui est suivie d'œuvres pieuses et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes, nos prières, d'exaucer nos invocations. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.